Démosthène est un des plus célèbres orateurs grecs qui s'employa notamment à alerter les Athéniens contre les visées expansionnistes de Philippe, le roi de Macédoine, au milieu du IVe siècle avant notre ère. On rapporte que Démosthène était, dans ses vêtements et dans tout son extérieur, d'une propreté et d'une élégance qui annonçaient beaucoup trop de recherches. De là ses railleries de ses rivaux et de ses adversaires sur son manteau élégant et sur sa molle tunique. De là encore, ses reproches honteux, flétrissants, de n'être comme qu'à moitié et de souiller sa bouche d'infâme turpitude. Hortensius, le plus célèbre des orateurs de son temps, si nous en acceptons Marcus Cicéron, essuya les mêmes railleries, les mêmes imputations. Une mise toujours soignée, des habits arrangés avec art, des gestes fréquents, une action étudiée et théâtrale, le firent souvent traiter de bouffon en plein barreau. Lucius Torquatus, homme grossier et sans égard, devant le plus auguste et le plus sévère des tribunaux, fit plus que l'appeler bouffon et le traita de danseuse, lui donnant le nom de Dionysia, célèbre danseuse de cette époque. Hortensius, d'une voix douce et tranquille, lui répondit « J'aime mieux être Dionysia que d'être comme toi, Torquatus, grossier, étranger à Vénus et à Bacchus. »